Lande schöpfer die Montagne, Kille schaubre Chancherie, lernt bei Kräder der Campagne, lernt Violette de Chancherie. Jure, lernt Violette de Chancherie. Adieu, Stolle, Chenaille, ou coulez-vous, fais jamais, un cochil et vous éloignez, galé jamais, yoga, yoga, faux poignez, galé jamais. On vit belle aux belles nozze, verde île et bozzale. On nous perdre dans les jazze, sans que l'on ne joue jamais. Youpé, sans que l'on ne joue jamais. Adieu, j'donne le chenal. Gale jamais, yola, yola, fuponi. Gale jamais, yola, yola, fuponi. Du le grand nella piccola Mariona tra quei mille dei giorni Iule tra quei mille dei giorni anche storie le scenaie o cude vuve giammai anche cie vuve Gale jamais, yola, yola, fuponi. Gale jamais, yola.